Chapitre 6e. L'histoire de la cagnotte avait jeté l'inquiétude dans l'association Mussidan, Raphaël, Barthelas et compagnie. Qu'allait devenir l'affaire si ce président s'avisait de fourrer son nez dans ce qui ne le regardait pas? L'histoire de la lettre d'invitation y jeta le désarroi quand Frédéric raconta l'algarade qui venait de lui être faite. « Qu'as-tu répondu ?» demanda Raphaël. « Rien. »« Vous ne lui avez pas cassé les reins ?» s'écria Barthelas, dont le premier mouvement était toujours de revenir à son ancien métier de lutteur, malgré les efforts que de bonne foi il faisait pour se contenir et se calmer, à Paris. Raphaël haussa les épaules. « On ne casse pas les reins aux gens dont on a besoin. C'est selon. Moi, quand les gens élevaient trop la voix, je n'avais qu'à faire ça. » Il plia les jarrets, se ramassa sur lui-même, enfonça son cou court dans ses larges épaules, en tendant ses deux bras en avant, dans l'attitude de l'homme qui attend l'attaque de son adversaire dans l'arène. Et tout de suite, c'était fini. On lui permet trop de faire ce qui lui plaît à ce député. Pourquoi est-ce que nous lui donnons 36 000 francs? Est-ce pour nous embêter, je vous le demande, hein? C'est à lui qu'il faut le demander, répliqua Frédéric impatienté. Je suis prêt quand vous voudrez, mon bon, si vous croyez que j'en ai peur. Il ne s'agit pas de ça, interrompit Raphaël sèchement. Nous avons besoin de lui, il faut manœuvrer en conséquence. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, continua Barthelas, on ne sera sûr de lui que quand on l'aura affranchi. Le jour où il filera la carte, il sera à nous. Et vous croyez qu'il acceptera vos leçons? Pourquoi non? D'autres qu'ils veulent bien les ont demandés, et je puis sans dire me vanter qu'ils s'en sont bien trouvés. Plus d'une fois, des discussions avaient lieu entre eux à ce sujet, car du jour où Adeline avait accepté la présidence du cercle, ils s'étaient demandé comment ils le garderaient à la tête de leur affaire. Tant qu'ils ne connaissaient rien au-dessous de la vie des cercles, ils pouvaient être tranquilles. Mais à mesure que ses yeux s'ouvriraient, et il n'était pas possible qu'ils ne s'ouvrissent point, sinon tout à coup, au moins peu à peu, la situation changerait. « Nous l'affranchirons, » avait dit Barthelas, se servant de ce mot de l'argot de la philosophie qui vient sans doute d'une allusion aux préjugés dont sont encombrés les imbéciles et dont les Grecs sont affranchis. « Et vous vous imaginez qu'il se laissera affranchir ?» avait répondu Raphaël, qui mieux que Barthelas connaissait la nature de son président. « Mon Dieu, oui, il se l'imaginait, et il n'imaginait même pas qu'il en pût être autrement. De quoi s'agissait-il? De gagner à coup sûr et sans danger, en opérant soi-même, sans complice, avec une sécurité égale à celle de l'acrobate sur la corde raide qui a appris à travailler. Alors pourquoi refuserait-il? Barthelas ne le voyait pas, attendu qu'il n'y a rien de plus doux et de plus agréable que l'argent gagné par le travail. Mais Raphaël et Frédéric, qui sans être au fond beaucoup plus embarrassés de préjugés que Barthelas, ne croyaient pas que tout le monde en fût arrivé comme eux à envisager la vie avec cette philosophie pratique qui enseigne à ne voir que l'argent gagné, sans se soucier de la façon dont on le gagne, était certain du refus d'Adeline et même de son indignation, si on lui proposait tout simplement de lui apprendre à travailler pour jouer à coup sûr. Ce n'était point ainsi qu'il fallait procéder avec celui que, d'un air de mépris, ils appelaient Puchotier, depuis qu'Adeline, se défendant un jour de ses ignorances parisiennes, s'était lui-même donné ce nom en disant qu'à Elbeuf, les Puchotiers sont les encroutés de la ville, ceux qui repoussent tout progrès, en ne jurant que par leur vieux Puchot. Quelle chance de se faire écouter si on lui parlait franchement! Il fallait vraiment être Puchotier, pour avoir la naïveté de croire qu'avec des cotisations de 100 francs et les produits d'une honnête cagnotte, on pouvait payer 80 000 francs de loyer, d'assurance, 20 000 francs d'impôts, 25 000 francs d'éclairage et de chauffage, 60 000 francs de gages au personnel, 36 000 francs de traitement au président, 30 000 francs pour perte sur la table et tous les autres frais pour abonnement aux journaux, impressions, concerts, fêtes, c'est-à-dire une dépense annuelle de plus de 300 000 francs. Pour couvrir ces dépenses et pour donner un bénéfice suffisant à ceux qui avaient fondé l'affaire, gérants, tapissiers, marchands de vin, fournisseurs de comestibles, croupiers, bailleurs de fonds, protecteurs plus ou moins influents, ou, comme on dit dans ce monde, mangeurs, qui se font payer leur protection en un temps pour cent, il fallait que la partie marchât, et non simplement, tranquillement, mais follement, au contraire, avec tous les avantages qu'une administration habile peut en tirer. Il serait souvent monotone, le dîner de plus d'un cercle, si on ne s'était pas procuré des convives en lançant, partout où on a la chance de rencontrer un naïf, des invitations comme celles qui avaient indigné Adeline. Encore ces invitations ne suffisent-elles pas et faut-il entretenir un personnel de rameneurs qui, membre régulier du cercle, gentleman en apparence, besogneux en réalité, répandu dans le monde, ou plutôt dans un certain monde, ont pour mission de racoler au hasard de leur connaissance ou d'une heureuse rencontre ceux qui, bien nourris à la table d'hôtes, seront une heure après dévorés à celle du baccarat et apporteront à la cagnotte un aliment plus sérieux que les seigneurs des cœurs qui font la tapisserie et jouent avec des jetons prêtés, prenant des attitudes de comédiens. Ivres de joie quand ils gagnent, à deux pas du suicide quand ils ont perdu. Et cette cagnotte donnerait-elle des bénéfices suffisants si, dans le feu de la partie, les croupiers aux doigts légers, l'épithète est du plus grand des Grecs, ne bourrait pas son coffre capitonné de jetons d'ivoire et de nacre qui tombent là sans bruit? Et le change de la monnaie, que donnerait-il si le croupier ne le faisait pas avec des doigts de plus en plus légers? Adolphe, 25 louis de monnaie. Et tandis que le valet de pied apporte ses 25 louis au croupier, qui n'a pas quitté la table, celui-ci, par-dessus son épaule, lui passe deux plaques au lieu d'une. Ce sont ces moyens et bien d'autres qui font un cercle prospère, sinon modèle. Mais pour les employés, sans qu'Adeline les découvrit, il avait fallu toute la dextérité de Frédéric et toute sa souplesse de caractère. Et voilà que le truc de la cagnotte semblait gravement compromis et que celui des invitations devait être abandonné. Au moins, ce fut le conseil de Raphaël, qui n'était pas pour qu'elle attaquât jamais de front les difficultés. « Cède, » dit-elle à Frédéric. « Comment céder ? » s'écria Bartholas. « Il faut renoncer à ces invitations, ou nous aurons un éclat, peut-être une rupture. » « Et comment comptez-vous rabattre le gibier ? Dites un peu, mon bon, comptez-vous qu'il va vous tomber tout rôti sur votre table, hein ? Je vous le dis, et je vous le répète, vous prenez trop de précautions avec ce président, vous le gâtez. Voyons, croyez-vous qu'il ne savait pas comment les 10 000 francs étaient venus dans la cagnotte? Je vous le demande, hein? Il vous l'a fait au président qui ne veut rien voir, qui ne veut rien savoir. Oh mon Dieu, je le comprends, il est député, il est décoré, il est considéré. Il faut bien qu'il ménage sa réputation, pour lui-même. Mais au fond du cœur, il en sait autant que nous. Autrement, il a bien avalé la cagnotte, il n'en reparle plus de la cagnotte, il avalera bien les invitations. Ça se passera tacitement. C'est lui le plus commode à cet homme, c'est son genre. Il faut le prendre comme il est ou s'en passer. Il n'y a qu'à continuer, puisque vous ne voulez pas qu'on la franchisse, ce qui pour nous serait bien plus facile. Cependant, malgré le plaidoyer de Bartholas, ce fut comme toujours d'ailleurs l'avis de Raphaël qui l'emporta. On céderait. Le lendemain, Frédéric, qui était toujours le porte-parole de la participation, fit ses excuses à son cher président. « Pardonnez-moi la façon un peu vive dont je vous ai répondu hier. J'ai eu tort. J'ai réfléchi. Je le reconnais. Ce qui m'avait entraîné, c'est que la chose dont vous vous plaignez se fait partout, et que bien d'autres présidents signent ces lettres. Mais vous n'êtes pas de ces présidents-là, j'en conviens. Votre haute situation, votre respectabilité, votre nom, si honoré, rendent légitimes toutes les susceptibilités. » Il était entré dans le cabinet de son président en tenant dans sa main gauche un paquet de papier. « Voici ce qui nous reste de ces lettres, » dit-il. Il le jeta dans la cheminée où brûlait un feu de bois. Adeline avait écouté le commencement de ce petit discours avec une attitude raide, en homme fâché, et il était, en effet. Il fut attendri. On ne pouvait pas reconnaître ses torts plus galamment. Tous les griefs qu'il avait entassés contre le vicomte s'évanouirent. « Vous savez bien que je ne veux que l'honneur de notre cercle, » dit-il en tendant la main à Frédéric. « Et moi donc ?» s'écria celui-ci. Adeline eut une pensée de prévoyance pour Frédéric, à laquelle se mêlait un vague sentiment d'inquiétude. « Vous me disiez hier que vous fermeriez la porte. Vous savez comme le premier mouvement court aux extrêmes. Il est certain, cependant, que nous allons nous trouver dans un certain embarras. Mais enfin, avec votre aide, nous pouvons encore en sortir, au moins je l'espère. Que puis-je pour vous? Vous en rapporter à moi, et ne pas vous inquiéter quand quelque chose se présente mal. » Soyez sûr que vous n'avez qu'un mot à dire pour qu'il soit porté remède. Comme vous, mon cher président, je mets au-dessus tout l'honneur de notre cercle, et si j'osais le dire, avant vous, puisque, pour ceux qui savent, je suis le gérant responsable. Mais à côté de l'honneur, de la respectabilité dont vous avez la garde, il y a des intérêts respectables dont je me trouve chargé par ma gérance effective. On me les a confiés, ces intérêts. À l'argent que j'ai mis dans cette affaire, c'est ajouter l'argent qui m'a été confié et dont je suis responsable. Eh bien, laissez-moi l'administrer de façon à ce qu'il donne les produits légitimes qu'on est en droit d'attendre. Mais que puis-je? Vous ne voulez pas ma ruine? Vous ne voulez pas celle des personnes qui ont eu confiance en moi? Certes non. Soyez sûr qu'il ne sera jamais rien fait sous ma direction qui puisse nous compromettre ou même nous inquiéter. Que voulez-vous donc de moi? Simplement ce qui se fait dans tous les cercles. Que vous laissiez marcher la partie.